Aujourd'hui, je vais commencer un nouveau cycle de conférences. C'est un cycle de conférences qui, au niveau de ma propre expérience, est difficile parce que il me force, ce cycle-là, à soulever des voiles et à aller chercher de l'information dans des sphères qui sont inconnues de l'homme. Et présentement et pour les mois qui viennent, personnellement, je serai obligé de vivre un certain combat intérieur pour aller chercher cette information afin qu'elle soit diffusée et qu'elle soit connue sur le plan matériel. Alors, si vous me rencontrez dans les mois ou les semaines qui viennent et que vous vous apercevez que j'ai pas l'humeur très haute, c'est pas parce que je suis pas de bonne humeur, c'est parce que mes vibrations subissent des changements qui sont difficiles. Et comme le corps est faible, sa résistance est aussi affectée. C'est un cycle de conférences extrêmement important pour l'homme. C'est un cycle de conférences qui, pour la première fois, permettra à l'homme de comprendre d'une façon plus concrète ce que j'appelle la géographie de la pensée et la géographie de l'invisible. Je cite cette conférence comme une des plus importantes que j'aurai données, et probablement d'autres suivront. C'est une conférence qui est donnée pour l'avenir, dans la plupart des cas, mais c'est une conférence aussi qui peut servir aujourd'hui pour certains. Je demande aux gens de bien de prendre certaines notes au cours de cette conférence. Je vous l'indiquerai quand ces notes seront nécessaires pour que vous les ayez à la mémoire. C'est rare que je demande aux gens de prendre des notes. Mais il semble que l'avenir des conférences demandera que les gens prennent certaines notes afin d'avoir une certaine mémoire de certains mots qui seront évoqués au cours de ces conférences afin qu'ils puissent s'en rappeler. Je continue. Je veux donner à cette conférence le titre de la primauté de l'esprit humain. Sur l'invisible. Primauté dans ce sens que l'homme de demain devra pouvoir être suffisamment conscient pour ne plus jamais être dans l'ignorance des mondes dits invisibles. L'esprit humain est un esprit extrêmement primaire. L'homme est un être extrêmement primaire. Il n'est pas seulement primaire dans ses émotions, il est primaire aussi dans ses pensées. Et son état primitif est tellement profond qu'il lui est absolument impossible, ou qu'il lui a été impossible par le passé, de pouvoir qui sont régis par des gouvernements, qu'ils sont régis par des hiérarchies et qu'ils ont des espaces définis et qu'ils ont certaines qualités créatives qui coïncident avec des régionalités. Aujourd'hui, comme par le passé, lorsque l'homme rêve, lorsque l'homme est endormi et que son esprit est libéré du corps matériel jusqu'à un certain point, l'homme n'a plus de contrôle sur son esprit. Il n'y a plus d'intelligence dans son esprit et il n'y a plus de volonté dans son esprit. Et l'esprit de l'homme, autant sur le plan matériel, peut être actif, cohérent, intelligent, avoir une certaine volonté. Autant l'esprit de l'homme peut pousser l'homme dans différentes directions, l'amener dans un pays, dans un autre pays, lui faire reconnaître des points d'intérêt dans le monde, autant lorsque l'homme est endormi, son esprit n'a plus de pouvoir. Son esprit est à la merci de forces qui évoluent ou involuent ou sont stagnantes dans des mondes que j'appelle des régions. Il y a 4 régions universelles dans le monde invisible. Ce sont des régions très vastes, avec des populations très denses. Et ces régions ont des noms. Et autant l'homme sur le plan matériel doit connaître le nom de la France, de l'Angleterre, des États-Unis pour aller quelque part, autant l'homme doit connaître les noms de ces régions. Parce qu'un homme que se conscientise, un jour, doit pouvoir prendre le contrôle de son esprit dans ces régions. Il doit pouvoir aller où il veut dans ces régions. Il doit pouvoir surtout se libérer des influences extraordinaires qui existent dans ces régions. De sorte que l'homme doit avoir, on doit lui donner un certain vocabulaire. Un vocabulaire qui sert à son esprit lorsqu'il est en mouvement. Lorsqu'il est libéré un peu de son corps matériel. La première région que je nomme s'appelle Mitzra, M-I-T-Z-R-A. La deuxième région s'appelle Rebka, R-E-B-C-A. La troisième s'appelle Atrion, A-T-R-I-O-N. Et la quatrième s'appelle Foral, F-O-R-A-L. Ces régions sont des espaces géographiques qui sont aussi réels à l'esprit de l'homme que l'espace géographique matériel est réel à son corps matériel. Et ces espaces géographiques coïncident avec des activités qui influe sur l'homme. Mitzra affecte le matériel, Rebka affecte le vital, Atrion affecte l'émotif et Foral affecte le mental inférieur de l'homme. Et au-delà de ces régions, il n'y a que des mondes d'intelligence qui coïncident avec l'éthérique que connaîtra l'homme conscientisé. Alors, le problème de l'humanité, le problème de l'homme, depuis l'involution jusqu'à la fin de l'involution, réside dans ce fait que l'homme n'a jamais été capable de contrôler ses régions, de connaître ses régions, d'être maître dans ses régions, de pouvoir aller à volonté dans ses régions et d'en connaître les lois qui affectent à la fois son mental, son émotif, son vital et son temps matériel. Et c'est la raison pourquoi l'homme est un être primitif. Parce que de la même façon qu'il y a des hommes sur la Terre qui n'ont jamais connu, qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais fait l'expérience d'autres nations, l'humanité, bien qu'elle ait connu, fait l'expérience de ces régions, ne les connaît pas, parce que l'homme n'a jamais été donné la connaissance de ces mondes d'une façon intelligente. L'homme a toujours subi ces mondes lorsqu'il sortait en esprit de son corps matériel. Et vu d'un point de vue cosmique, vu d'un point de vue évolutif, vu d'un point de vue de l'intelligence, c'est une situation absolument immonde. C'est une situation aberrante et je le dirais même écœurante. C'est une situation aberrante parce que les hommes doivent un jour prendre le contrôle de leur esprit. Les hommes un jour doivent être suffisamment conscients dans leur esprit lorsqu'ils dorment, pour qu'ils dorment éveillés. Pour qu'ils puissent aller dans ces régions ou passer outre les frontières de ces régions et entrer en communication intelligente avec des êtres. Qui s'occupe de l'homme, mais d'une façon créative au lieu d'une façon dégénérative. L'esprit de l'homme est une réalité, mais l'homme, à cause de son inconscience, ne connaît pas son esprit, ne vit pas la réalité de son esprit et n'a aucune idée de la puissance de son esprit et non plus aucune idée de la valeur réelle, concrète de son esprit, hors du fait qu'il vit dans un corps matériel. L'homme est totalement primitif. Il est tellement primitif que sa conscience, la conscience qu'il a de lui-même est totalement contrôlée et gérée par des modes d'influence quelconques qui émanent de ces quatre régions de l'invisible. Il est tellement primitif, l'homme, que toutes les données, philosophique, spirituel, ésotérique, occulte. Toutes les données qu'il possède sont colorées par l'effet de ces régions sur un de ces plans. De sorte que l'homme aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, n'a aucune science, ne possède aucune science et ne possède aucun aspect de son esprit. Il vit de son esprit, c'est l'esprit qui donne à son corps l'énergie, c'est l'esprit qui nourrit son mental, son émotif, son vital. Mais ce n'est pas le vrai esprit de l'homme. L'homme ne connaît pas son vrai esprit. Ce que l'homme connaît, c'est ce que j'appelais la semaine dernière son pire esprit. Et le pire esprit de l'homme, c'est cette énergie qui enveloppe son ego et qui est contrôlée d'une façon absolue et critique à partir des régions que je vous ai nommées tout à l'heure. De sorte que l'homme aujourd'hui, ce n'est pas un homme réel. C'est un homme qui est contrôlé facultativement. C'est un homme qui est géré. C'est un homme qui n'a aucune intelligence. Et avec les temps qui viennent et la densification du plan astral, les hommes qui ne connaîtront pas leur intelligence seront extrêmement aberrés par l'expérience des années à venir. Parce que l'homme a besoin d'un point de référence pour être intelligent. C'est-à-dire qu'il a besoin d'être parfaitement équilibré. Ce qui veut dire qu'il doit être parfaitement sain d'esprit. Et l'homme n'est pas sain d'esprit. Il pense être sain d'esprit. Il pense avoir une sanité d'esprit, mais je vous assure que l'humanité n'est pas saine d'esprit. Et l'homme est tellement peu sain d'esprit qu'avec la collusion de forces qui se fait de plus en plus forte dans ces régions, l'homme perdra son esprit. Et la folie s'étendra dans le monde entier. L'homme n'est pas sain d'esprit pour un certain nombre de facteurs. Il n'est pas sain d'esprit parce qu'il ne sait pas comment penser. L'homme n'a jamais développé le pouvoir de sa pensée. Il a développé la faculté de penser. Mais il n'a jamais développé le pouvoir de sa pensée. Et il n'y a qu'une façon pour l'homme de développer le pouvoir de la pensée. C'est d'avancer dans la nuit de sa pensée, sans crainte, jusqu'à ce qu'il puisse entrer dans le jour de sa pensée. Et la nuit de sa pensée, c'est cette pensée dans l'homme qui réagit ou qui est mise en réaction par les forces de ces régions invisibles et qui constitue le fardeau, le poids de la pensée humaine. L'homme n'a jamais réalisé que la pensée créative ne peut le mener que dans l'intelligence. Même s'il doit passer par des étapes ou des phases qui frisent la folie. L'homme n'a jamais réalisé ce qu'est la pensée. L'homme n'a jamais réalisé que la pensée est une vibration qui perce, qui transperce les couches de ces régions qui conditionnent l'homme à la pauvreté de son esprit. L'homme a été tellement infusé au cours des siècles par la crainte, par des concepts du bien, du mal, du bon Dieu et du diable, qu'aujourd'hui, il a la frousse. Il est incapable. Il se sent impuissant de se servir de sa pensée. Et à cause de cette impuissance, il demeure figé en dehors des frontières de ces quatre régions qui sont le fondement même de l'esprit primitif, périsprit de l'humanité. L'ego de l'homme a été tellement affaibli par ses forces maudites. L'ego de l'homme a été tellement affaibli, conditionné par ce périsprit, qui est l'aspect inférieur de son esprit, qui coïncide avec ses régions, que l'ego a perdu tout pouvoir, il a perdu toute préscience. Il a perdu toute intelligence. Et il ne reste plus rien dans l'homme. L'homme est comme une coquille vide. Et l'homme n'a pas la suffisance de l'intelligence pour comprendre jusqu'à quel point le tournant qui est devant lui, les 20 prochaines années, seront terribles et terrifiantes pour son esprit. Il n'a pas la suffisance pour réaliser, pour commencer à se servir sans crainte de son intelligence et de sa pensée, à quelque prix que ce soit, pour investiguer quoi que ce soit, selon la vibration qui lui est donnée par l'ajusteur de pensée. L'homme craint avant que la crainte s'abatte sur lui. Il craint l'erreur avant que l'erreur s'enregistre dans son esprit. Il craint tout de son esprit. Et pourtant, la crainte qui est dans son esprit ne vient pas de l'homme. Elle lui est imposée. Elle lui est canalisée. Il en est contaminé. Et si il n'est pas expliqué qu'il est impossible à l'homme qui se sert de sa pensée pour investiguer le réel, qu'il est impossible à cet homme de devenir fou, de perdre la carte, de perdre son esprit, il n'aura jamais le courage de le faire et il demeurera pour toujours prisonnier de ses régions. Et effectivement, sur le plan matériel, un être primitif et un être ignorant. La descente de la conscience supramentale sur la Terre, ce n'est pas un jeu d'enfant et ce n'est pas un jeu philosophique. C'est un processus de développement constant et sans arrêt de ces pouvoirs de la pensée humaine, permettant éventuellement à l'esprit de l'homme de se libérer de ces catacombes qui font partie des mondes invisibles et qui ont maintenu l'humanité à l'intérieur de l'évolution pendant des millénaires. La conscience supramentale, c'est de l'intelligence. C'est une intelligence. Et l'esprit de l'homme ne peut entrer dans cette intelligence que par le moyen qui lui est propre, ce qu'on appelle la pensée créative. Viendra un moment dans l'évolution de l'homme où il ne pourra plus se permettre de dormir dans la nuit et de sortir un peu de son corps et de se perdre dans ces régions infinies et immondes. À un certain moment donné de l'évolution, l'homme devra être capable de se saisir dans le rêve, de se saisir dans le sommeil, d'être conscient dans le sommeil et d'être éveillé dans le sommeil pour savoir où il est et où il va dans le sommeil. Mais il est impossible à l'homme de savoir où il va dans le sommeil s'il ne peut pas comprendre dans l'état d'éveil la fonction de sa pensée créative et le fait, dit une fois pour toutes, que l'homme qui pense intelligemment, même s'il doit travailler avec cet outil incessamment, ne peut jamais perdre l'esprit. Il y a énormément de gens qui ont peur de leur pensée. Il y a énormément de gens qui ont peur de penser. Il y a énormément de gens qui souffrent de leur pensée. Et ils souffrent de leur pensée parce que l'outil n'a pas été raffiné. Et comme l'outil n'a pas été raffiné, ils sont incapables de localiser dans leur esprit les limites de ces mondes et effectivement les dépasser pour entrer dans l'intelligence universelle, pour entrer dans l'esprit de l'éther et continuer là-bas leur évolution. L'homme est tellement préoccupé avec la philosophie. Il est tellement préoccupé avec des modes progressifs d'éducation, des modes progressifs d'instruction, qu'il n'a aucune idée que par lui-même, il est capable de connaître tout et d'investiguer tout et de s'instruire. Et effectivement, l'homme peut s'instruire par lui-même et il devra un jour en arriver à ce point. Mais pour s'instruire par soi-même, ça requiert énormément de force intérieure. Ça requiert énormément de volonté et beaucoup d'intelligence. Parce que lorsque l'on s'instruit par soi-même, on n'a plus besoin de s'instruire par les autres. Alors, automatiquement, on est seul dans notre instruction. Mais l'humanité vit une plaie. L'humanité vit une plaie depuis des siècles, et c'est la plaie de la vérité. La plaie de la vérité est tellement grande, elle est tellement répandue dans le monde, qu'elle est équivalente dans sa puissance de déformation qu'à l'autre plaie qu'on connaît sous le mensonge. Et tant que l'homme ne sera pas capable de se dissatisfaire à la fois de la vérité et du mensonge, et de ne vivre que de la vibration, de ne vivre que de l'énergie de l'intelligence, il ne sera jamais capable de convertir ces régions invisibles dans des plans totalement incapables de l'affecter. Tant que l'homme ne sera pas capable de vivre vibratoirement de son intelligence, il sera incapable de dormir éveillé et de cesser de rêver. Parce que rêver veut dire deux choses. Rêver veut dire être dans l'oubli. Et rêver veut dire être soumis dans l'oubli. Et tant que l'homme est dans l'oubli, et tant qu'il est soumis dans l'oubli, il ne peut pas être maître de lui-même et ne peut pas se servir de son esprit comme véhicule d'exploration dans les mondes qui sont au-delà de ces régions abominables. Autant le corps physique est un véhicule pour l'homme, autant son esprit est un véhicule pour lui. Un véhicule aussi concret et même plus. Mais les éthers inférieurs de l'homme, son énergie, n'est plus sous son contrôle. Son énergie est sous le contrôle de forces influentes, plus ou moins intelligentes, mais aucunement intelligentes si nous les comparons à l'intelligence cosmique. Et tant que l'homme ne pourra pas réaliser l'affirmation concrète du fait que ces quatre principes inférieurs sont manipulés par ces quatre régions, l'homme n'aura aucune idée de l'état primitif qu'il connaît. Et n'ayant aucune idée de l'état primitif qu'il connaît, il sera voué à l'extinction éventuelle de son intelligence. Et l'extinction éventuelle de l'intelligence dans l'homme, répartie à l'échelle d'une planète, implique automatiquement la destruction de la civilisation. Si nous disons que l'homme est un être primitif, nous essayons d'explorer avec vous les possibilités permettant à l'homme de sortir de cet état primitif pour entrer dans l'intelligence pure. Nous essayons d'expliquer à l'homme, du point de vue que nous avons, du point de vue où nous voyons, du point de vue où nous vivons l'expérience de l'esprit, afin que l'homme puisse reconnaître, même si c'est d'une façon subliminale, qu'il y a en lui, au niveau de son esprit, constamment de la corruption provenant non pas de son ego, mais provenant des sphères qui sont extérieures à sa conscience visuelle et à son pouvoir psychique et à son pouvoir d'intelligence. C'est très beau, ça, de parler du subconscient. Mais pourquoi le subconscient existe-t-il? Pourquoi les penseurs fraternisent-ils avec le concept du subconscient? Les gens fraternisent avec le concept du subconscient parce qu'ils sont inconscients. Pour un homme qui est dans l'intelligence, le subconscient n'existe pas. Et le concept du subconscient est une insulte à l'intelligence. Parce que dans l'intelligence, il n'y a aucun ombrage, et il n'y a absolument rien d'inconnu et d'inconnaissable. Alors le subconscient n'existe pas. Mais dès que l'homme commence à accepter le concept du subconscient, il commence à se réduire en pauvre, et il commence à se réduire en esclave de ces régions abominables. Et je vous dirai que le concept du subconscient, c'est un concept qui a été donné, inspiré à l'homme par ces régions. L'homme ne réalise pas que tout ce qu'il prend en lui, tout ce qu'il apprend, tout ce qui rentre dans son esprit ne fait pas partie de son esprit. Un homme qui est dans son esprit n'absorbe rien de l'esprit d'autres êtres parce qu'il n'a pas de mémoire. Un homme qui est dans son esprit ne comprend rien de l'esprit des autres êtres parce qu'il ne peut pas rationaliser ce qu'il pense. Un homme qui est dans son esprit est vide dans sa tête, de sorte que rien ne s'inscrit dans sa mémoire. Un homme qui est dans son esprit est forcément dans son intelligence. Et un homme qui est dans son intelligence n'a pas besoin d'être nourri. Mais nous sommes tellement nourris. Nous sommes tellement mauditement nourris de par toutes les traditions, de par tous les millions de livres, de par toutes les idées, de par tous les journaux, de par toutes les télés, de par toutes les radios, que nous n'avons plus d'esprit. Et nous participons, sans nous en apercevoir, à un conditionnement qui est mondial, planétaire et infernal. Et nous osons appeler ceci de la connaissance, de l'information et du savoir. Et pourquoi l'homme se laisse nourrir? Pourquoi l'homme absorbe cette quantité effroyable de junk food? Parce qu'il est seul, parce qu'il s'ennuie, et parce que son ego n'a aucune centricité, parce que son ego veut se sentir à la page, parce que son ego veut avoir quelque chose à dire. Son ego n'aura jamais rien à dire, parce que son ego est déjà mort. Nous vivons dans l'écœurenterie de nos idées et la puanteur de nos conceptions. Et nous croyons que tout cela est parfumé. Nous sommes dans la merde jusqu'à la tête. Et nous croyons que la senteur nous va bien. Nous nous regardons dans le miroir. Et nous sommes contents de ce que nous voyons. De qui, d'où vient l'idée que l'homme doit lire pour savoir d'où? D'où vient cette idée? Elle ne vient pas de l'intelligence. Elle vient de ses régions. Et l'homme continue bêtement. Allez, je n'ai rien contre la lecture, comme je n'ai rien contre rien. Mais il y a de la lecture intelligente, filtrée par soi-même, et il y a de la lecture stupide, bête, qui nous remplit de quelque chose que nous ne comprenons pas. Quand l'homme pourra lire, quand l'homme pourra comprendre ce qu'il lit, voir ce qu'il lit, épier les mots qu'il lit, les comprendre, détruire les formes, rajouter d'autres formes, aller au-delà de la limitation du mot, comprendre les aspects voilés des mots, l'homme aura le droit de lire. Mais tant que l'homme n'est pas dans son intelligence, il se donne le droit de lire et tue son intelligence. J'ai toujours dit que je n'ai rien contre rien. Que je ne suis ni intéressé à la vérité, comme je ne suis pas intéressé au mensonge. Mais j'aime bien voir par mes propres yeux la vérité telle qu'elle est énoncée et le mensonge tel qu'il est énoncé, afin que moi, dans mon propre esprit, puisse vaguer, naviguer à travers ces brumes, sombres ou claires, mais ne jamais être emboîté dans leur espace. Et l'homme doit en venir un jour à cet état. La conscience supramentale, l'homme de demain, doit en venir à être totalement libre dans son intelligence. Il doit en venir à être suffisamment intelligent pour le réaliser qu'il l'est. Ce n'est pas l'intelligence qui va vous dire que vous êtes intelligent. L'intelligence ne se réfléchit pas. Mais c'est dans l'expérience de votre intelligence que vous découvrirez votre intelligence et que vous vous saurez intelligent. Pas cette fausse intelligence que vous pensez que vous avez, mais cette intelligence réelle qui ne vous appartient pas et qui pénètre votre périsprit, conditionné par ces régions et qui allume en vous le feu dans votre ego et lui donne sa puissance, sa volonté, sa caractéristique, sa force, qui fera de vous un jour probablement des êtres immortalisables, mais immortalisables dans tous les domaines de l'expression humaine. Quand je dis que l'homme est un être primitif, vous n'avez pas d'idée de ce que je veux dire. Vous n'avez pas une crise d'idée. C'est pour ça que j'en pleure, parce que vous n'avez pas d'idée. J'essaie de vous en donner une petite idée. J'essaie de démolir des murs parce que mes mains sont plus fortes que les vôtres. Je démolis des murs pour que vous puissiez voir un peu au-delà des murs, vos propres murs, les murs qui ont été érigés en vous par les forces que vous appelez le subconscient. L'ego n'a aucune chance sur la Terre. L'homme n'a aucune chance sur la Terre. Tant qu'il n'est pas transpercé par l'intelligence. Il n'y a aucune chance. La preuve, c'est que tous les hommes doivent mourir. C'est la preuve inestimable. La mort mortelle, la mort du mortel, c'est la preuve inestimable que l'homme n'a aucune chance sur le plan matériel. Et qu'il doit retourner à ses régions maudites. Et on ose parler de spiritualité, des plans spirituels, des maîtres. Je veux expliquer la fonction de Foral. Je ne parlerai plus dans l'avenir du plan physique ou du plan vital ou du plan astral ou du plan mental. Je suis écœuré de ces termes. Je vous parlerai dans les termes que je me sers, de sorte que

L'homme ne peut pas jouer deux jeux à la fois. Vous ne pouvez pas vous rassasier de votre raison et vivre de l'énergie de l'intelligence. Vous pouvez vous leurrer, vous pouvez vous rationaliser, vous pouvez vous donner des raisons qui cachent d'autres raisons. Mais dans l'intelligence, il n'y a qu'un maître, et c'est l'énergie. Pas l'ego, l'énergie. L'énergie est maîtresse, elle est fondamentale, parce que l'énergie constitue le rapport même qui existe entre le pouvoir de l'absolu et l'intelligence de l'absolu, ce que vous appelez vous Dieu. Mais vous êtes loin de comprendre qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Dieu, ce n'est pas une entité personnalisée. Et le pouvoir de l'absolu, le pouvoir de cet absolu. D'ailleurs, il faut comprendre qu'est-ce que c'est l'absolu. Qu'est-ce que ça veut dire, un absolu? Un absolu veut dire tout ce qui n'engendre rien, mais qui est. C'est ça un absolu. Ah, ce qui n'engendre rien et qui est, c'est un absolu. Alors, pour que l'homme soit, il ne peut rien engendrer s'il doit être en relation avec l'absolu. Et lorsque l'homme est conscientisé, il n'engendre rien égocentriquement. Il canalise l'énergie de l'absolu. Et c'est à ce moment-là qu'on dit que l'homme est un fils de la lumière. C'est à ce moment-là qu'on dit que l'homme participe à la lumière. On a l'impression extraordinaire que l'univers existe. L'univers n'existe pas. La raison pour laquelle nous pensons que l'univers existe, c'est parce que les conditions de la lumière sont telles qu'elles permettent qu'il y ait dans l'univers de la réflexion d'elle-même. C'est pour ça qu'on a l'impression que l'univers existe. Mais vu du point de vue de l'absolu, l'univers n'existe pas. L'univers est. Il y a une différence. Pour qu'il y ait existence, pour qu'il y ait réflexion subjective. Alors, si l'homme vit la réflexion subjective dans sa conscience, il a l'impression que l'univers existe, et l'impression qu'il a que l'univers existe lui donne la conscience d'une matérialité, d'une densité, d'une terminalité, d'une conscience égocentrique, d'un point de vue d'être, et c'est ce qui empêche l'homme d'être dans l'intelligence. Demandez à un poisson ou à un chien s'il existe. Il ne sait pas. Il existe pour qui? Il existe pour vous. Mais lui, il ne sait pas. Et ce qui permet au chien de pleurer si vous le frappez, c'est la densité de sa matière. Et la densité de sa matière, elle est établie par quoi? Elle est établie par les lois, par les forces qui établissent une relation entre les royaumes. Et ces forces-là sont les forces du monde qu'on connaît comme le monde foral. La seule chose, au fur et à mesure que l'évolution se fera sur le globe, lorsque l'homme passera à la septième race, lorsque l'homme sera homme-esprit, lorsque l'homme sera esprit, l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui n'existera plus pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de lien entre l'homme et ses mondes. Alors, où sera l'homme dans ses temps? Il sera simplement dans l'énergie de son esprit. Et dans l'énergie de son esprit, l'univers n'existe pas. Alors, qu'est-ce qui existe? Quelqu'un peut me répondre? Si l'univers n'existe pas, qu'est-ce qui existe? L'énergie de l'esprit. Mais ça ne dit pas grand-chose à l'homme, l'énergie de l'esprit. Des petites fumées. C'est pas confortable, c'est pas le fun. Et pourtant, c'est dans l'énergie de l'esprit, c'est l'énergie de l'esprit qui donne à tout ce que nous connaissons, bien que ce soit coloré dans les plans inférieurs, ce que nous appelons l'univers. Demandez à votre ajusteur de pensée si l'univers existe, et il vous dira que non. Faites-le devant moi, faites-le dans votre tête, et vous verrez. L'univers n'existe pas. Alors, ça vous montre jusqu'à quel point on est dans l'illusion parfaite du plan foral. Et c'est pour ça que l'homme, sur la Terre aujourd'hui, ne peut plus convenir avec les lois de l'énergie, avec les lois de l'intelligence. Et c'est pour ça que l'homme se crée constamment et pendant des siècles une tombe qu'il continue à remplir avec le cadavre du Fils de l'homme. Ce n'est pas une position rationnelle de dire que l'univers n'existe pas. C'est une précondition de l'esprit. Et l'esprit crée les préconditions parce que l'esprit est en dehors du temps et l'univers n'existe que dans le temps. La seule raison pour laquelle je vous dis ceci, c'est pour vous faire comprendre les limites de la raison humaine. La seule raison pour laquelle je vous dis ceci, c'est pour vous préparer lentement, graduellement, au fil des années, à reconnaître en vous rien qui ne soit rattaché au monde foral. Pour qu'un jour vous puissiez sortir de cette fameuse enveloppe qu'on appelle le corps matériel, que vous puissiez avoir constitué ce qu'on appelle le corps moronciel, et que vous puissiez à ce moment-là être dans l'énergie de l'esprit et voyager, sortir du temps. Et lorsque vous serez en dehors du temps, à ce moment-là, vous connaîtrez des univers inhabités et inhabitables qui sont construits par la lumière et qui n'ont aucun lien avec l'ancienneté de ceux qui ont créé le passé de l'évolution. Et ce sont ces univers inhabités et inhabitables aujourd'hui qui seront habités par l'être de demain. Et l'univers et les univers matériaux que nous connaissons aujourd'hui seront totalement refragmentés, c'est-à-dire que l'esprit de l'homme, conjoint avec l'esprit universel, sera tellement puissant pour donner à l'univers tridimensionnel que nous connaissons simplement une dimension. Et lorsque l'univers matériel aura simplement une dimension, il n'y aura plus de temps, il y aura simplement de l'espace, et nous reviendrons au problème original de la création. Le temps est créé par le plan floral. Le monde floral a créé le temps. Et l'homme, un jour, doit être totalement libre du temps, parce que c'est en dehors du temps que commencent les mondes de l'intelligence. Et ce qui détermine cette condition chez l'homme, ce qui déterminera cette condition chez l'homme, ce sera l'amenuisement, la perte de densité éventuelle du périsprit, qui est le « cosmic connection » entre l'homme et l'invisible. On est rempli mentalement, physiquement, émotivement et vitalement de nous-mêmes. Parce que, quoi? On a une réflexion constante avec les mondes d'énergie qui sont sous le contrôle de forces qui ne sont pas de la lumière. C'est évident que nous ayons la conception, l'impression que nous sommes dans un univers matériel. et que l'univers matériel est la limite de notre activité. Quand vous allez voir un film dans lequel vous vous plongez mentalement et émotivement, vous avez remarqué qu'après le film, lorsque l'écran est blanc, vous avez une petite tristesse. Pourquoi? Parce que il y a une disconnexion d'impression entre le plan foral et vous-même. Vous avez perdu un peu de cette alimentation et vous vous sentez totalement, tout d'un coup, dans le vide. Alors, la relation entre le monde, les univers, l'univers que nous connaissons et les univers inhabités, qui sont de densités différentes, cette relation est absolument la même. Alors, imaginez-vous l'homme qui est habitué au film toute sa vie et qu'un jour, on lui présente un écran blanc de lumière, d'intelligence. Il ne faut pas qu'il soit debout, il faut qu'il soit bien assis dans sa chaise. C'est pour ça que la préparation de l'homme est lente. C'est pour ça que l'évolution est lente. Et c'est pour ça que l'homme doit connaître et comprendre tous les aspects de lui-même afin de comprendre son mystère et de bien étudier les proportions qui existent entre le faux lui-même et le vrai lui-même, entre le vide et le plein, le vide réel et le plein faux, qui constitue son égocentricité et qui lui donne l'impression d'être, lorsqu'en fait, il n'est qu'une existence, lorsqu'en fait, il n'est que la majoration vibratoire, mentale, émotive, vitale et physique, d'énergie et d'intelligence qui sont dans des mondes totalement invisibles à lui. Autrement dit, l'homme est une projection dans la matière d'entités et d'intelligence qui sont totalement invisibles et dont il est totalement ignorant. L'homme n'est pas une création de la lumière. L'homme est une création des ténèbres. Et l'homme est maintenu en vie mentale, vitale, émotive et physique par les ténèbres. Et lorsque l'homme sera maintenu en vie par la lumière, il aura le pouvoir sur le mental, l'émotif, le vital et le physique. Il transmutera sa matière et deviendra un homme esprit. Rendu comme un petit poêle. L'homme devra un jour penser que par l'intelligence, jamais par la raison. L'homme devra un jour recevoir dans son mental que de l'énergie intelligente, jamais de l'énergie venant du plan foral. Et lorsque l'homme sera dans cet état, c'est à ce moment-là qu'il commencera à comprendre les lois de l'univers et comprendre toutes les lois de lui-même et de l'homme et de l'humanité et de l'évolution. C'est à ce moment-là que l'homme sera capable instantanément, à volonté, dans le temps qui lui plaira, de se soutirer complètement des forces de l'évolution. Mais la condition sine qua non, c'est que l'homme ne puisse pas penser avec aucune pensée qui ne soit teintée de son périsprit. C'est pour ça que j'insiste, j'exprime que vous vous habituiez à penser des pensées qui ne sont pas les vôtres, d'accepter en vous des pensées qui ne sont pas des vôtres. Et plus vous pourrez absorber en vous des pensées qui ne sont pas les vôtres, et quand je dis des pensées qui ne sont pas les vôtres, là je commence à parler comme Gildo, des pensées qui ne sont pas les vôtres, vous pourrez reconnaître les pensées qui ne sont pas réelles, mais qui sont foraliennes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand vous commencerez à penser des pensées qui ne sont pas des vôtres, autrement dit, des pensées qui ne sont pas à la vibration de votre périsprit, vous commencerez à reconnaître la différence entre les pensées qui sont de la vibration du périsprit et les autres, et c'est à ce moment-là que vous commencerez à savoir ce que je veux dire par le discernement. Parce que le discernement, c'est une pensée qui n'est pas sienne, qui n'est pas rattachée au périsprit, qui n'est pas rattachée à l'émotion, qui n'est pas rattachée au raisonnement. C'est une pensée qui vient du soleil central, qui perce l'homme, qui transperce le périsprit et qui élève sa conscience et qui lui donne de l'intelligence et qui le fait parvenir de plus en plus à son esprit. Mais la condition, c'est que l'homme s'habitue à penser des pensées qui ne sont pas les siennes. Toutes les pensées qui sont les vôtres, qui vous font plaisir, qui vous cajolent, viennent du périsprit, viennent du plan foral. Tout ce qui vous fait plaisir vient du plan foral. Même si c'est bon. Je vous assure qu'une des grandes lois cosmiques concernant la pensée créative de l'homme, c'est celle-ci, c'est que tout ce qui provient du soleil central ne peut plaire à l'ego. Et c'est comme ça que se désengage dans l'homme le périsprit. Et c'est comme ça qu'éventuellement l'ego vit de cette énergie et il se complète dans cette énergie et il est bien dans cette énergie. Alors faites attention aux pensées qui vous cajolent, les pensées qui vous font du bien. Parce que ces pensées sont des impressions et l'homme ne doit pas vivre d'impressions, l'homme doit vivre d'énergie seulement. Et où vous en êtes rendu la majorité aujourd'hui, c'est justement ce stage où vous devez faire attention à vos pensées en tant qu'impression. Quand je dis que la lumière est anti-ego, c'est ceci. C'est-à-dire qu'elle est anti-ego, infectée par le périsprit. Pour les hommes de la Terre aujourd'hui, la pensée, c'est une couverture qui le protège contre l'éclatement, l'éblouissement de l'intelligence. L'homme, dans son ego, a peur de l'intelligence, même s'il aime l'intelligence, même s'il aimerait avoir de l'intelligence. Ça fait partie de son périsprit. L'intelligence est quelque chose d'effroyable parce que c'est quelque chose de parfait. Et tout ce qui est parfait est effroyable parce que tout ce qui est parfait possède une vibration qui engendre dans l'homme des chocs vibratoires, dans le mental, le motif, le vital et le physique. Alors, toute autre forme de pensée cajole l'esprit de l'ego, cajole l'homme, renforcit son égocentricité, lui donne l'impression d'avancer, lorsqu'en fait, il demeure stagnant. Parce qu'un homme qui avance le sait qu'il avance, mais un homme qui est stagnant le sait aussi. Nous aurons les hommes constamment à combattre jusqu'au jour où nous serons en fusion. Parce que le combat, c'est la pénétration de l'énergie dans le périsprit. Et la compréhension du périsprit, la mécanique du périsprit, est essentielle pour l'homme. Parce qu'elle constitue une des valeurs, si vous voulez, concrètes de sa réalité spirituelle. L'homme, à un certain moment de son évolution, peut très très facilement sentir, comprendre ce que je veux dire par le périsprit. Parce que le périsprit, c'est tout ce qui donne à l'ego, son égocentricité. son existentialité. Dans l'être-té de l'homme, il n'y a absolument rien. Il n'y a aucune réflexion inférieure. Il n'y a que le passage de l'énergie. Alors le monde, la région foralienne, c'est une région, c'est un monde dans lequel il y a des intelligences qui œuvrent constamment à inculquer dans l'homme l'impression d'être. Et si ils ont besoin, si elles ont besoin, ces intelligences, d'inculquer dans l'homme autre chose, elles se servent de l'énergie différente qui existe dans d'autres régions. De sorte que Foral, Atrion et les autres mondes sont interconnectés. Et ils travaillent ensemble parfaitement contre l'homme de demain, mais pour l'homme d'aujourd'hui et du passé. Si l'homme aujourd'hui pouvait voir ce que nous entendons entre l'involution et l'évolution, s'il pouvait voir ce que nous entendons par la condition humaine, l'homme mourrait de froid. Il vivrait une dépression totale parce que sa centricité n'aura pas été bâtie en lui. Et l'homme a besoin de centricité, c'est-à-dire d'intelligence, pour pouvoir dépasser le choc que crée la réalisation qu'il n'est pas ce qu'il sera. Et l'exactitude du travail qui se fait dans le monde foralien, je parle plutôt de ce monde parce que c'est le monde de la pensée, l'exactitude du travail est effroyable. Vous imaginez-vous que les rêves que vous connaissez, ou même les pensées sombres que vous vivez, ont été créés par là? Vous imaginez-vous que les mondes dans lesquels vous allez dans le rêve ont été créés par l'homme? Regardez ces mondes. Ils sont totalement décousus de la réalité même matérielle de l'homme. Et pourtant, ces mondes exercent sur l'homme un pouvoir extraordinaire. Alors, ce n'est pas l'homme qui a créé ces mondes. Qui donc les a créés? Et l'homme, lui, dans son état de rêve, dans son état d'oubli, perd la science de son intelligence. Nous rêvons depuis des années. Heureusement que le rêve, en général, ne se manifeste pas lorsque nous sommes éveillés, bien que certains en vivent des conséquences. Beaucoup de personnes vivent l'astral éveillé. Alors, l'homme est totalement un être primitif. Quelle que soit sa science, quelle que soit sa raison. Et il est un être primitif parce que il est manipulé, contrôlé, infecté à tous les niveaux de son être-té par des forces dont il ne connaît pas la nature, qu'il ne peut pas combattre parce qu'il est pris dans le jeu de ses forces. Il est à l'intérieur du net. Et un jour, il doit sortir du net, c'est-à-dire qu'il doit être libre dans son esprit pour aller dans ces mondes et voir comment ça se passe. Et à ce moment-là, il sera libre de ses forces et son périsprit ne sera plus le réflecteur entre l'ego et l'énergie universelle. Dans le fond, cette conférence vous met en garde contre ce que vous considérez dans votre vie le plus fondamental. Cette conférence vous met en garde contre ce que vous considérez dans votre vie comme le plus près du normal. Autrement dit, cette conférence est un mouvement vers vous pour vous rapprocher de vous-même, mais un vous-même qui n'est pas conditionné par ces mondes. Pour vous permettre, au niveau de votre esprit, de vibrer dans une certaine intelligence, dans une certaine énergie qui saura faire son chemin et vous rapprocher des limites, de la frontière de ce que j'appelle le périsprit, qui est la prison même de l'homme, qui est la condition même de l'homme et qui n'est aucunement comprise, connue ou vue de l'homme encore parce qu'il n'est pas capable de soutirer quelque énergie que ce soit de ses principes pour former un corps morontiel. Parce que ces principes nourrissent des forces qui sont autres. Alors, si l'énergie dans le corps physique humain, dans le corps vital, dans le corps émotionnel, dans le corps mental de l'homme, servent des forces qui sont anti-hommes, comment voulez-vous que l'homme développe un corps morontiel, un corps de lumière, libre de ses forces, et lui permettant pour la première fois, depuis son inception, de connaître autre chose que les conditions de la vie existentielle et de la mort naturelle. Moi, je ne peux pas faire autre chose que vous parler. Je ne peux pas faire autre chose que vous transmettre ce que je suis. Je ne peux pas faire autre chose que de vous parler d'une façon qui convienne à cette partie en vous qui est intelligente. Mais je ne peux pas faire pour vous le travail. Vous devez par vous-même le vivre, la vivre, cette transmutation. Quelles que soient ces conditions qui se rapportent à chacun de vous. Mais au moins, vous avez une chose en commun. C'est que chacun de vous peut suffisamment, de près ou de loin, sentir que je suis un homme qui aime l'homme, que je suis un homme qui aime la liberté de l'homme, et que je suis un homme qui est mandaté sur le plan matériel pour donner à l'homme de l'instruction qui convienne à cette liberté. Tout le reste ne fait partie que de l'expérience que vous devez vivre, et vous devez la vivre d'une façon solitaire. Vos expériences, vous devez les vivre d'une façon solitaire. Je ne peux pas les vivre pour vous, les autres ne peuvent pas les vivre pour vous. Vous savez suffisamment de choses pour pouvoir petit à petit reconnaître l'importance d'être autre chose que des marionnettes. Des marionnettes dont les fils s'étendent dans l'invisible, des marionnettes dont vous pourrez voir les reflets dans l'invisible lorsque vous serez endormi le soir, des marionnettes dont vous pourrez voir le miroitement astral lorsque l'astral se densifiera au cours des années qui viennent. Mon plus grand désir en tant qu'homme, c'est que l'homme comprennent ce que je dis. Mon plus grand désir en tant qu'homme, c'est que l'homme comprenne ce que je dis. Et il ne peut le comprendre aujourd'hui, ce que je le dis. Parce que ce que je dis ne se comprend que demain. Je l'affirme aujourd'hui pour qu'il soit compris demain. Mais le fait qu'il soit affirmé représentera pour vous demain une confirmation parce que de votre propre expérience, vous saurez ce que je sais. et des grandes masses de l'homme qui seront, selon le plan, amenés à cette conscientisation, amenés à ce perfectionnement de la conscience humaine, à ce perfectionnement de l'intelligence, à cette élimination du périsprit, naîtra une nouvelle race, naîtra une nouvelle conscience sur la Terre, et naîtra des conditions de vie dont vous ne pouvez même pas aujourd'hui vous imaginer, tant elles sont parfaitement en harmonie avec l'image que peut se faire de l'homme de la perfection. La perfection, ce n'est pas une condition de vie. La perfection, c'est un état de l'esprit. L'esprit est parfait. L'esprit a toujours été parfait dans l'homme. C'est le pire esprit qui lui a coloré la nature et qui lui a donné son imperfection. L'homme doit retrouver son esprit. L'homme doit rendre libre son esprit. Parce que l'esprit de l'homme veut un jour être libre. Parce que l'esprit de l'homme veut spiritualiser la matière pour élever la matière à son niveau de vibration, afin que la matière soit reconnue dans un temps futur comme étant la pensée de l'homme. Lorsque la matière sera reconnue dans les temps futurs comme la pensée de l'homme, l'homme reconnaîtra une fois pour toutes la science de l'esprit. Et ce sera la science de l'esprit qui gérera les mondes et il n'y aura plus de besoin dans l'univers de ce qu'on appelle des formes solides que nous appelons en retour l'univers matériel. Ne cherchez pas à comprendre les conditions qui amèneront ces changements. Ne cherchez pas à comprendre rien. Lorsque vous serez dans votre intelligence, tout vous sera expliqué. Rappelez-vous que l'infinité de l'intelligence n'a aucun rapport avec la finitude de la raison. L'infinité de l'intelligence est le pouvoir de l'esprit dans le temps. Et le pouvoir de l'esprit dans le temps, il est absolu et il est parfait. Et lorsque l'esprit gronde dans le temps, tout ce qui a été formé avant lui, pour son évolution, pour son expérience, est sujet à détérioration, est sujet à changement, est sujet à parfaite et complète élimination. Je vous parle à travers une bouche que vous appelez Bernard de Montréal, mais je ne suis pas Bernard de Montréal. Il y a quelqu'un qui veut sortir Cutlass Suprême Bleu 239L923. Et dans le chemin. Alors, je vous parle à travers une bouche qui me sert. Je me sers d'un corps pour vous servir. Je me sers d'un corps pour que vous puissiez me voir dans des conditions normales. Je ne suis pas plus dans votre espace que vous n'êtes dans le mien. C'est pourquoi ce que je vous dis ne sert pas d'occasion pour créer dans votre esprit une perte de conscience, mais plutôt pour augmenter en vous l'intelligence de votre conscience. Si je vous parlais comme je peux autrement vous parler, vous seriez ébloui. Ce ne serait pas bon, parce que vous êtes encore des hommes qui aiment et qui se nourrissent du périsprit. Vous êtes encore des hommes qui ont besoin d'appui. Vous êtes encore des hommes qui ont besoin de palper Et lorsque vous serez capable de vivre dans la matière et que vous n'aurez plus besoin de palper, vous serez à ce moment-là prêt à recevoir d'autres aspects de l'intelligence. Vous serez à ce moment-là prêt à recevoir d'autres connaissances qui ne sont pas du domaine de la connaissance, mais qui sont du domaine du rapport télépathique entre l'homme et l'homme. Non pas l'homme qui dort, mais l'homme qui est éveillé. L'homme qui connaît son esprit. L'homme qui connaît les façons incroyables et infinies de l'esprit. Vous avez l'impression d'être sur la terre. Vous avez l'impression d'être autonome. Vous avez l'impression de fonctionner à l'intérieur de véhicules qui vous sont siens, lorsqu'en fait, il y a des êtres dans d'autres mondes qui travaillent constamment sur vos corps, qui manipulent vos énergies physiquement, chimiquement, électriquement. Il y a des êtres qui constamment travaillent dans des laboratoires pour ajuster vos vibrations, et vous croyez que vous êtes des êtres autonomes.